Le dernier message, tout ça, quand même. Franchement, je vous dis. Bonne nuit. Ah ouais, c'est quoi les étoiles? Je dis pas bonne nuit, je dis les étoiles. Je veux dire les étoiles. Ah, j'ai pas les étoiles. Voilà la lune, voilà. La lune et le ballon. Ah, allez, va. Ah, c'est... merci, merci. J'espère que tu écoutes. Il y a des chances pour qu'elle écoute, puisqu'elle sait, puisque nous savons, puisque nous partageons, puisqu'elle est proche, et que je vous souhaite d'être proche. Oui. J'arrête bientôt. Hein. T'allais faire pipi? Vas-y, va faire pipi. Moi, je vais faire pipi. C'est ma dernière bière. J'ai un nouvel instrument aussi. Alors, il y a la techno. Je t'ai cassé les couilles avec la techno. oui, moi je croyais que j'étais trop fort depuis le début. Ah ouais, moi je croyais que j'étais trop fort. Ah ben attends, je vais augmenter mon volume. Regardez ces messages-là maintenant. Je vais respecter toi l'engagement que j'ai prié hontement. Rester ici. Thank you. Si j'avais su qu'elle voulait avoir le dernier mot, je me serais tué il y a longtemps, c'est ce que je faisais déjà. Sinon j'ai rien changé, j'y suis revenu. Je suis à nouveau sur si majeur. Excuse-moi, mais c'est parce que le truc est... En fait je peux le régler. Mais c'est compliqué. Non, je viens de réussir. C'est bizarre là. En fait ce qui me plaît c'est que je sais pas ce que ça va faire. Mais quand même. VST, il te dit pas à l'avance qu'il va t'envoyer. C'est quand même énorme. Donc, ce que t'as l'habitude de faire, ben non. C'est comme quand tu prends un nouvel instrument, pour de vrai, c'est cool. Et alors, le visuel, c'est des poils. Pour de vrai, c'est des bulles de chewing-gum. C'est des barres en métal. Attends, je t'envoie encore des trucs comme ça. Normalement dans le ton. Pardon, sinon j'avais... Thank you.

Thank you. Désolé, désolé, désolé, désolé, désolé, désolé, désolé. Thank you. Thank you. Thank you.